suis un communiste à 40 000 euros par an. Anticapitaliste, enfin, ça dépend du sens du vent. J'écoute Manu Chao sur mon ampli en 5.1. Rebelle sur canapé, révolutionnaire de bouquin. Écologiste aussi, car j'aime la nature. Mais pas au point d'abandonner ma voiture. Le pétrole, ça pollue, ça alimente les guerres, je sais. Mais c'est trop dur de se passer de l'air climatisé. Alors je ferme les yeux et je me dis que ça n'est pas grave. Que mon carrosse moderne consomme moins qu'une vieille épave. Mes contradictions, j'ai un secret pour les concilier. Je vais vous le révéler. C'est la plouch attitude. Se complaire dans ses certitudes. Se foutre de tout avec béatitude. Sans inquiétude, ni bêtude, ni lassitude. C'est la plouch attitude. Se complaire dans ses certitudes. Se foutre de tout avec béatitude. Sans inquiétude, ni bêtude, ni lassitude. Souviens-toi Jean-Pierre, tu nous avais promis la prospérité, la baisse du chômage aussi. Mais après ta troisième réincarnation, ou bien la quatrième, je tiens plus les comptes, ce serait trop long. La seule chose à laquelle tu sois arrivé, c'est de prendre à chaque scrutin une plus belle branlée. Heureusement, il y avait Le Grand et ses paroles louables sur la fracture sociale et puis sur le développement durable. Devant tous les parterres et les assemblées de la planète, pendant ce temps chez nous, Ernest Antoine faisait place nette. Alors tous les deux, je vous tire bien bas mon chapeau, car vous êtes vraiment des pros. De la plouch attitude, se complaire dans ses certitudes. Se foutre de tout avec béatitude. Sans inquiétude, habitude ni lassitude. C'est la plouch attitude. Se complaire dans ses certitudes. Se foutre de tout avec béatitude. Sans inquiétude, habitude ni lassitude. Alors compagnons, créons un grand mouvement. De la plouch attitude, l'étendard flottera au vent. Alors compagnons, créons un grand mouvement. De la plouch attitude, l'étendard flottera au vent. Alors mes compagnons, créons un grand mouvement. De la plouch attitude, l'étendard flottera au vent. Et nous irons ensemble, mais chacun de notre côté. La procrastination sera notre unique projet. Et si tout le monde nous emboîte le pas, la plouch attitude, ouais, disparaîtra.